الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. النافذي أمره. Ses décisions sont toujours bien exécutées. الدائمي بره. Sa bienfaisance est permanente. الشديدي قهره. Sa domination est très forte. Al-wajibi shukru, et dont le remerciement est un devoir. La yurja illa naf'u, on ne souhaite que son aide et ses avantages. Wa la yukhafu illa durru, et on ne redoute que ses dommages. Fatabarak asmuhu wa jalla dhikru, que son nom soit béni et que son évocation soit vénérée. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Khalaq az-zamana wal makan, il a créé l'espace et le temps. Wa la zala ala ma kan, et il est toujours comme il était avant la création de l'espace et du temps. Qabla khalqi az-zamani wal makan, fallahu la yajma'uhu makan, Dieu ne peut pas être contenu dans un espace. Wa la yajri alayhi zaman, et ne subit pas le passage du temps. Li'annahu khaliqu az-zamani wal makan, parce que c'est lui le créateur de l'espace et du temps. Ya Rab, bika astajiru wa man yujiru siwaka, farham da'ifan yahtami bihimaka. Ya Rab, qad adnabtu faghfir zallati, anta al-mujibu likulli man nadaka. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulu Allah as-sadiqul amin, nabiy akhir az-zaman wa rasul ashraf makan, le prophète de la fin des temps et le messager du lieu le plus noble. Ja'a bil mu'jizat wal Qur'an, il est venu assisté par des miracles et par le Coran. Fal Qur'an kawnun natiq, le Coran est un univers parlant. Wal kawnu Qur'anun samit, et l'univers est un Coran silencieux. Wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kana Qur'anan yamshi bayna an-nas, et Muhammad, prière et salut sur lui, était un Coran qui marchait devant les gens. Sayyidi Aba Zahra, inna nasiru bi qafratin zada al-hajiru biha wa qalla al-ma' wa qalla al-ma'. Ya Sayyidi, kulli an-najati shafi'ana, ya khayra man shahidat lahu ash-shufa'a, sallallahu alayka fi kulli zamanin wa kulli makanin, ya amir al-anbiya, adada nujum as-sama' wa rimal as-sahra wa awladi adam wa hawa. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib muhammadin al-mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Ba'da sittat ayyam faqat takunu nihayat as-sana, après six jours uniquement, il y aura la fin de l'année. Hadihi akhir jumwa fi sanat 1430 للهجرة. Il s'agit aujourd'hui du dernier vendredi de l'année 1430 de l'Hégire. وإنني أرى هذه السنة 1430 للهجرة على فراش الموت. Et je vois cette année 1430 de l'Hégire sur le lit de la mort. إني أراها تحتضر, je la vois en train d'agoniser. تعاني من سكرات الموت, en train de souffrir des affres de la mort. هذه السنة التي مات فيها الملايين. هذه السنة ستموت. Cette année pendant laquelle il y avait des millions de morts, cette année elle aussi va connaître la mort. رأينا رمضان لما أتى. Nous avons vu le mois de Ramadan lorsqu'il est venu. ورأيناه يموت. Et nous l'avons vu mourir. فسبحان الحي الذي لا يموت. Gloire et pureté au vivant éternel. سبحان ذي القوة والجبروت. Gloire et pureté à celui qui détient la force suprême et la puissance absolue. والعجيب, ce qui est extraordinaire, هو أننا نرى الموت يختطف الناس من حولنا. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on observe la mort qui enlève des gens autour de nous. ولا نفكر في الموت. Et on ne pense pas à la mort. لأننا غارقين في نوم عميق. Parce qu'on est noyé dans un sommeil profond. لأن الموت خلق لغيرنا. أما نحن فلا نموت. Parce que la mort a été créée pour les autres, mais nous, on est éternel. لِأَنَّنَا نَسِينَ الْمَوْتِ. Parce que tout simplement, nous avons oublié la mort. لِأَنَّنَا نَسِينَ اللَّهِ. Parce que nous avons oublié Dieu. نَمُوتُ وَأَيَّامُنَا تَذْهَبُ وَنَلْعَبُ وَالْمَوْتُ لَا يَلْعَبُ. On mourra et nos jours partiront, on joue. Et la mort ne joue pas. عجبت لذي لعب قد لها. عجبت وما لي لا أعجب. Je me suis étonné d'un joueur distrait. Je me suis étonné bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi je ne m'étonne pas? أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. Doit-il jouer et se distraire celui qui bientôt va mourir et bientôt sa maison va se détruire? وكل له مدة تنقضي وكل له قدر يكتب. Et chacun a un délai qui s'achève et chacun a un destin bien décrit ou bien inscrit. نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها. عجبت وما لي لا أعجب. أيله ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. وكل له مدة تنقضي وكل له قدر يكتب. أخي أختي فخير سير, كم ستعيش؟ Combien vas-tu vivre encore? كم بقي لك من السنين؟ Combien il reste dans ta vie d'années comme celle-ci? فهذه سنة 1400 التي ستموت. Cette année 1430 de l'Hégire qui va bientôt prendre fin. إنما نقصت من عمرك. Elle ne fait ou elle va éliminer une année du reste de ta vie. كل سنة تموت, كل سنة تفوت أو تموت فهي سنة من عمرك ذهبت. Toute année qui passe, c'est une année de ta vie qui est diminuée. ومع الأسف et malheureusement, الناس لا يعرفون بأننا في آخر السنة الهجرية. الناس لا تعرف حتى بأنه يوم الجمعة القادم إن شاء الله فاتح محرم. من سنة 1431 للهجرة. Les gens ne savent même pas qu'on est dans la dernière semaine de l'année de l'Hégire. Les gens ne savent même pas que vendredi prochain, selon les calculs, si Dieu le veut, sera le premier Muharram, le premier du mois Muharram de l'année 1431 de l'Hégire. الناس ستنهي السنة بالغناء. Les gens vont finir l'année avec les chansons. بالخمور, avec l'alcool, بالرقص, avec la danse, بالحرام, avec l'interdit. ويبدأون سنة جديدة بالحرام. Ils vont démarrer une nouvelle année par l'interdit. يا ليتهم أنهوا هذه السنة بالعبادة وبدأوا السنة الجديدة بالعبادة. Oh, s'ils finissent cette année par l'adoration et l'année à venir, et s'il commence l'année à venir aussi par l'adoration. Hatta tughfar dhunub as-sana al-madiya, ainsi les péchés de l'année écoulée seront pardonnés, wa takun lahum al-baraka fi as-sana al-qadima, et auront de la même manière la bénédiction pour l'année à venir. Kam min insan yantadhir akhir ash-shahr bi farah, combien d'individus attend avec joie, avec impatience la fin du mois, لأنه سيأخذ راتبة, parce que à la fin du mois il va toucher son salaire. وينسى بأنها أيام ستضيع من حياته, mais il oublie qu'il s'agit des jours qui vont s'éliminer de sa vie. كم من إنسان ينتظر العطلة بفرح, combien d'individus attend avec joie, avec impatience les vacances. وينسى بأنها أشهر تضيع من حياته, et il oublie qu'il s'agit de mois qui vont s'éliminer ou se déduire de sa vie. Ya akhi, ya ukhti, frère, sœur, kullu daqiqa tamdi, chaque minute qui passe, kullu sa'a tamdi, chaque heure qui passe, kullu yawmin yamdi, chaque jour qui passe, kullu shahrin yamdi, chaque mois qui passe, kull sana tamdi, chaque année qui passe, innama yuqarribuka min al-maut. Tout cela ne fait que te rapprocher de la mort, de ta propre fin. Tu es en train de compter tes jours, tu es en train de compter tes années, tu n'es pas éternel. إِنَّمَا يُقَرِّبُكَ مِنَ النِّهَايَةِ, ces mois, ces années qui passent à grande vitesse te rapprochent de ta propre fin. إِنَّمَا يُقَرِّبُكَ مِنَ الْقَبْرِ, tout cela te fait rapprocher de la tombe. إِنَّمَا يُقَرِّبُكَ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ, tout cela ne fait que te rapprocher soit du paradis, soit de l'enfer. فَكَيْفَ يَفْرَحُ إِنسَانٌ بِقُرْبِ الْمَوْتِ, comment est-il possible qu'un individu soit heureux de la proximité de la mort? أخي, أختي, frère, sœur, ماذا أعددت للموت, qu'as-tu préparé pour la mort? هل أنت مستعد تماما للموت, es-tu totalement prêt pour la mort? إن الله يقول, Dieu dit dans un verset coranique, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu, et que chaque être voit bien ce qu'il a avancé pour demain. وَاتَّقُوا اللَّهَ, et craignez pieusement Dieu. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Dieu est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. الإمام مالك ابن دينار رحمه الله, l'imam Malik, fils de Dinar, que Dieu soit miséricordieux à son égard, كان له صاحب, avait un ami. ومات هذا الصاحب, et cet ami est décédé. فرآه مالك ابن دينار في المنام بعد موته, après son décès l'imam Malik l'a vu dans un songe nocturne. فقال له كيف حالك بعد لقاء الله, il lui dit, comment es-tu après ta rencontre avec Dieu? قال له يا مالك إنني محبوس على باب الجنة لم أدخلها, il lui dit, ô Malek, je suis arrêté devant la porte, ou on m'a arrêté devant la porte du paradis et on m'a empêché d'y entrer. فقال له ابن دينار, et Malek, fils de Dinar, lui dit, وكيف, et pourquoi, وأنت الذي كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج, comment est-il possible qu'on t'arrête devant le paradis, toi qui accomplissais la prière, qui observais le jeûne, qui acquittais la zakat, qui faisais le pèlerinage, ولماذا حبست على باب الجنة, et pourquoi on t'a arrêté devant la porte du paradis? فقال له الميت, le mort lui dit, l'ami mort lui dit, لأنني استعرت من الجيران إبرة, إبرة خياطة, parce que j'ai emprunté auprès de mes voisins une aiguille de couture, une petite aiguille, ومت قبل أن أردها, et je suis décédé avant de la rendre à mes voisins, وَلَمْ أُوصِي أَهْلِي بِرَدِّهَا et je n'ai pas demandé ou je n'ai pas laissé un testament à ma famille pour leur rendre leur aiguille. Ibra, une aiguille. مش un euro, مش واحد euro, أو عشرة euro, أو مئة, أو ألف euro, إلى غير ذلك. Une aiguille. Et non pas un euro, dix euros, mille euros. Une aiguille. Ibra. حبستهُ أمام باب الجنة. Une aiguille l'a empêché d'entrer au paradis. Il est resté devant la porte. ومات قبل ردها. إبرة منعته من دخول الجنة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Dieu dit, celui qui fait dans le mal le poids d'un atome le verra. فلما استيقظ الإمام مالك ابن دينار من منامه. Après le réveil de l'imam Malik, fils de Dinar. ذهب إلى أهل الميت. Il est parti voir la famille, les proches du mort. وأخبرهم عن مكان الإبرة. Et il leur indiqua le lieu où se trouvait l'aiguille selon la précision du mort. كما بينه الميت. فأخذها وردها إلى أهلها. Et l'imam a pris l'aiguille et l'a rendue à ses propriétaires, les voisins. ثم رآه في بعد ذلك في المنام. Et par la suite, il l'a vu une seconde fois dans un songe nocturne. في روض من رياض الجنة. Il l'a vu dans un parc, parmi les parcs du paradis. فلما رآ مالكا في المنام. Le mort, lorsqu'il a vu son ami Malek dans le songe, قال له فرج الله كربك كما فرجت كربي. Que Dieu te soulage de tes souffrances comme tu m'as soulagé de mes souffrances. وأتساءل, et je m'interroge, ما الذي أنسى الإنسان الموت? Qu'est-ce qui a fait oublier la mort à l'homme? الجواب, la réponse, حب الدنيا, l'amour de ce bas monde. كل الناس سكارى بحب الدنيا. Tous les gens sont ivres par l'amour du bas monde. كل الناس تجري وراء الدنيا. Tout le monde court derrière ce bas monde et les biens de ce bas monde. كل الناس تجري وراء جناح بعوضة. Tout le monde court derrière l'aile d'un insecte. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. Le monde ou le bas monde entier ne vaut pas auprès de Dieu l'aile d'un moustique. Vous voyez, un moustique qui ne fait pas même quelques milligrammes et son aile ne fait pas peut-être même des millièmes de milligrammes. Et c'est ça ce que vaut le bas monde auprès de Dieu, quelques milliers de milligrammes. L'aile d'un moustique. كما جاء في الحديث كما النبي صلى الله عليه وسلم لا بريسيزي دون ان حديث والناس عجيب والناس يتقاتلون et les gens dans ce bas monde s'entretuent se donnent la mort يتسابقون من اجل جناح بعوضه et tout le monde fait la course tout le monde entre en compétition afin de prendre une partie de l'aile d'un insecte فلا قليل يقنعهم ni le peu leur suffit ولا كثير يرضيهم et ni le nombreux les satisfait ويرحم الله الإمام الشافعي على هذا الشعر أو هذه الأبيات الشعرية et que Dieu soit miséricordieux à l'égard de l'imam الشافعي pour ses pour ce poème وما هي يعني الدنيا وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها et le bas monde n'est qu'un cadavre, c'est-à-dire d'un animal mort n'est qu'un cadavre nauséabond autour duquel il y a des chiens dont le but est d'en tirer profit فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها si tu l'évites, ça veut dire ce cadavre tu deviens à l'abri de ses conquérants. وَإِن تَجْتَذِبْهَا نَزَعَتْكَ كِلَابُهَا mais si tu lui tends la main, ça veut dire à ce cadavre, ses chiens te combattront. Les chiens qui sont autour de lui te combattront. Un combat pour un cadavre nauséabond. هذه هي الدنيا. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, تعالوا نتساءل عن هذه السنة 1430 للهجرة. Mes frères et mes sœurs, venez qu'on s'interroge à propos de cette année qui est en train d'agoniser, cette année 1430 de l'Égypte. كم فعلنا فيها من حسنات؟ Combien avons-nous fait pendant l'année de bonnes œuvres؟ وكم فعلنا فيها من سيئات؟ Et combien avons-nous fait de mauvaises œuvres ou de péchés؟ فلنقوم بتقييم, qu'on fasse aujourd'hui un bilan. تعالوا نتساءل عن هذا العام وكيف قضيناه. Venez qu'on regarde comment nous avons tous passé cette année. تعالوا ننظر, venez qu'on regarde كم ولد في هذا العام من مولود, combien il y a eu pendant cette année de naissance, de nouveau-né. ولكن كم مات فيه من أشخاص, et combien dans la même année il y avait de décès et de morts. كم غني من فقير, combien de pauvres s'est enrichi pendant cette année. وكم افتقر فيه من غني, et combien de riches s'est appauvri. كم عز من دليل وكم ذل من عزيز. Et venez qu'on regarde pendant cette année combien de misérables est devenu notable et combien de notable s'est transformé en misérable. وكم من ناس أخذوا السلطة وكم من ناس تركوا السلطة. Et venez voir pendant cette année combien de gens ont pris le pouvoir là ou là-bas et combien de gens ont abandonné le pouvoir. وكم من ناس رجعوا إلى الدين, et combien de gens sont revenus à la religion. وكم من ناس مرقوا من الدين تركوا الدين. Mais en même temps, combien de gens pendant cette année ont abandonné la religion. وكم من مريض وجد الشفاء, et combien de morts ou combien de malades qui a retrouvé la bonne santé. وكم من صحيح أصابه المرض والوباء, et combien de saints qui jouissaient d'une bonne santé a été touché par une maladie. وحوادث الدنيا لا تحصى بحسبان, et les événements qui se passent dans cette vie ici-bas sont innombrables. فسبحان الرحيم الرحمن, enfin gloire et pureté au miséricordieux, le très miséricordieux. الذي لا يغيره الزمان, le miséricordieux qui ne vieillit pas, qui ne change pas à cause du passage du temps. ولا يجمعه المكان, et qui ne peut être contenu dans un espace. فعال لما يريد, faiseur de tout ce qu'il veut. يوتي الملك من يشاء, il accorde la royauté à qui il veut. وينزعه ممن يشاء, et il enlève la royauté à qui il veut. ويعز من يشاء, et il honore qui il veut. ويذل من يشاء, et il déshonore qui il veut. بيده الموت والحياة, c'est lui qui détient dans sa main la vie et la mort. والتقديم والتأخير, c'est lui qui maîtrise l'avancement ou le recul ou le retard. والغنى والتفقير, c'est lui qui donne l'enrichissement ou bien l'appauvrissement. أخي أختي, frère ou sœur, تذكر هذه الآية, pense à ce verset coranique. كل نفس ذائقة الموت. نحن نتكلم عن هذا الكلام لأننا نرى سنة أمامنا ستموت, سنة كاملة ستموت. Pense à ce verset coranique dans lequel Dieu dit: tout être vivant doit goûter la mort. تذكر يوم يطرق بابك هاذم اللذات. Pense au jour où ta porte sera toquée par le destructeur des plaisirs. ومفرق الجماعات, le jour où ta porte sera toquée par le séparateur des groupes. تذكر يوم يزورك ملك الموت. Pense à ce jour où l'ange de la mort, destructeur des plaisirs, séparateur des groupes, te rendra visite. Yawma ya'ti dawruk. Pense à ce jour où ton tour arrivera. Ton tour, en tout cas, mon tour arrivera un jour. Dawruk, dawri, sayati fi yawm min al-ayyam. Wa tabki az-zawja. Et la femme qui va pleurer. Wa yasrukh al-atfal. Les enfants qui vont crier. Wa yajri ilayka al-jiran. Et les voisins qui vont venir, vont se hâter vers toi. يوم لا ينفعك الطبيب يوم تفارق كل حبيب. Le jour où le médecin ne peut pas te sauver, le jour où tu vas abandonner toute personne bien-aimée. وتصعد الروح الى خالقها. Et l'âme montera vers son créateur, الى الله, vers Allah, vers Dieu. تذكر يوم يغسلك غيرك. Pense à ce jour où d'autres personnes vont faire tes toilettes, vont te laver. وأنت لا تتحرك. Et toi immobile, toi qui ne bouges plus. وقد كنت تغسل نفسك بنفسك. Toi qui tu te lavais par toi-même et tu avais honte de montrer ton corps aux autres. Voici le corps devant les autres. Eux, ils voient, et toi, tu ne vois plus. Aïna al-quwa, où est la force? Aïna al-azama, où est la grandeur? Aïna al-kibriya, où est l'orgueil? Aïna al-ja, où est le pouvoir? Aïna al-mal, où est la fortune? Aïna al-jamal, où est la beauté? تذكر يوم يحملك الأربعة ستترك المرسيدس وكل شيء تحمل على أكتاف أربعة. Pense au jour où tu seras porté par quatre sur les épaules de quatre hommes. ويصلوا عليك صلاة الميت. Pense au jour où tu seras sans mouvement devant les gens, devant les musulmans qui vont faire la prière du mort en ta faveur. تذكر يوم تدخل إلى بيتك الحقيقي. Pense au jour où tu accéderas enfin à ta vraie demeure, à ta vraie maison, إلى القبر, vers la tombe. لقد كنت فوق الأرض. Tu étais au-dessus du sol terrestre. وها أنت تحتها. Et te voici aujourd'hui en dessous du sol terrestre. أين فراشك الوثير. Où est ton meuble de luxe. أين مالك الكثير. Où est ta grande fortune. تركت كل شيء للورثة. Tu as tout abandonné derrière toi pour les héritiers. يا ليتك أتيت بكل شيء إلى قبرك. Oh, si tu avais apporté toute ta fortune avec toi vers la tombe. جمعت المال. Tu as amassé les biens. ولما جمعته تركته. Et lorsque tu as amassé ces biens, tu les as abandonnés. Tu as travaillé pour rien. تذكر وقوفك بين يدي الله. Pense au jour où tu seras arrêté devant Dieu. تذكر الميزان. Pense à la balance. تذكر الصراط. Pense au صراط. Le chemin étroit. أخي أختي. Frère, sœur. لو جاءك الموت اليوم. Dans le cas où tu meurs aujourd'hui. أإلى جنة أم إلى نار. Est-ce que ça va être vers le paradis ou vers l'enfer? كل ما حولك يذكرك بالموت ويناديك. Toute chose autour de toi te fait rappeler la mort et t'appelle. وحبك للدنيا يسكرك وينسيك. mais ton amour fou pour ce bas monde t'énivre et te fait oublier. Habit dunya tuatik, suppose que tu as amassé les biens de ce bas monde. Alaysa al-maut ya'tik, est-ce que la mort ne va pas te visiter? Fama tasna'u bid-dunya, que vas-tu faire de ce bas monde? Wa dhillu al-mil yakfik, et l'ombre d'une baguette te suffit. Kama adhakaka ad-dahru kadaka ad-dahru yubkik, comme la vie t'a fait rire un jour, de même ou de la même manière, un jour, elle va te faire pleurer. Anta alladhi waladatka ummuka bakiyan, toi qui as pleuré le jour de ta naissance. Wannasu hawlaka yadhakuna surura, et les gens étaient autour de toi en train de rire de joie. Fa'amad ila amalin takunu idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura, accomplis des œuvres qui, lorsque les gens pleureront ta mort, tu seras en train de rire de joie. Ad-dunya kama qalu ad-dunya sa'a imla'ha ta'a, la vie n'est qu'une heure, passe-la à adorer ton Seigneur. An-nafsu tamma'a allimha al-qana'a, l'âme est cupide, apprends-lui à se contenter du peu pour vivre dans le bonheur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru al-rahim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu. ها هي كما قلنا السنة الهجرية 1430 سترحل إلى الله. Comme on l'a dit dans le premier discours, voici l'année 1430 de l'Hégire qui va partir, qui va voyager vers Dieu. Ba'da sittat ayyam, après six jours. Fa insha'Allah al-jumu' al-qadim yakun fatih muharram, si Dieu le veut, vendredi prochain sera le premier muharram de la nouvelle année. Akhi ukhti, frère, sœur, ma'da fa'alta fi hadhihi sana? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? Sana fiha 12 shahran, une année de 12 mois, wa 50 usbu'an, et 50 semaines, bima'na 50 jumu'ah. 50 semaines, ça veut dire 50 prières de vendredi. Wa akthar min 53 yawm, et plus que 350 jours, bima'na 1760 salat fard. Plus que 350 jours, ça veut dire un peu, approximativement 1760 prières obligatoires pendant cette année. 51,000 daqiqa, 51,000 minutes. Wa 30 millions thaniya, et 30 millions de secondes sont passées pendant l'année 1430 de l'Hégire. Hal laka hasanat, as-tu des bonnes actions? هل حسناتك أكثر من سيئاتك؟ Est-ce que tes bonnes œuvres dépassent les mauvaises؟ هل فعلت شيئا تغفر به ذنوب هذه السنة؟ As-tu fait quelque chose pour pouvoir espérer absoudre les péchés de cette année؟ هل تفكر في هذا؟ Est-ce que tu penses à cela؟ أم أنت ناسي؟ Ou bien tu as oublié؟ نسيت حتى بأن في هذا الأسبوع تنتهي السنة. Et tu as même oublié que pendant cette semaine s'achèvera l'année. لاهي تعيش لشهواتك فقط. Distrait, tu vis uniquement pour tes désirs. هذا الوقت هذا الوقت الثمين الذي يمر سيسألك عنه الله. Ce temps très cher qui passe, Dieu va t'interroger à propos de lui. ثانية ثانية, seconde par seconde. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et salut sur lui, dit La yan'aqidu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas devant Dieu le jour de la résurrection, hatta yus'ala 'an arba, que lorsqu'il sera interrogé à propos de quatre, 'an 'umrihi fima afna, à propos de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, wa 'an jasadihi fima abla, à propos de son corps, qu'est-ce qu'il a fait de son corps, wa 'an 'ilmihi fima 'amila bih, et à propos de sa science ou de son savoir, qu'est-ce qu'il a fait de cette science, wa 'ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, et à propos de ses biens ou de son argent, comment l'a-t-il gagné et dans quel domaine l'a-t-il dépensé. Rawahu al-Imam at-Tirmidhi, rapporté par l'Imam at-Tirmidhi. Akhi ukhti, takhayyal nafsak amam Allah, imagine-toi devant Dieu, wa qad bada yas'aluka 'an hayatik, et il a commencé à t'interroger à propos de ta vie. حياتك ثانية بعد ثانية طبيعي سأقول سكوند par سكوند والذي يهمني اليوم هو مجال واحد. La chose qui m'intéresse aujourd'hui, un seul domaine parmi les quatre questions. السؤال عن الحياة, la question à propos de la vie. عن الوقت, à propos du temps. لا أتكلم عن الجسد وعن العلم وعن المال, je ne vais pas parler du corps ou bien de la science ou bien de l'argent. أخي أختي, frère, sœur, أتدري كم سيسألك الله من سؤال, sais-tu combien Dieu va t'interroger de ou va te poser de questions à propos de ta vie, عن حياتك, فقط, uniquement de ta vie. قمت بعملية حسابية, j'ai fait une opération arithmétique, مبنية على 63 سنة, basée sur 63 ans, عمر النبي صلى الله عليه وسلم, qui est la vie ou la durée de vie du prophète, prière et salut sur lui. Naqastu minha sin al-bulugh 14 sana taqriban, j'ai déduit de 63 ans l'âge de la puberté, 14 ans à peu près, wa waqt an-nawm, et le temps réservé pour le sommeil, yani thulut, le tiers de la vie, darabtuha bi adad al-ayyam fi sana, je l'ai multiplié par le nombre de jours par une année, wa adad as-sa'at fi al-yawm, et par le nombre d'heures par jour, wa adad ath-thawani fi sa'a, et le nombre de secondes par heure, fawajat ma yuqarib min milyar wa 30 milyun thaniya, et j'ai trouvé à peu près 1 milliard et 30 millions de secondes, aux 30 millions de questions. يعني مليار و 30 مليون سؤال, 1 milliard et 30 millions de questions. إذا سألك الله عن كل ثانية من حياتك, dans le cas où Dieu t'interroge à propos de chaque seconde de ta vie. فعدد الأسئلة سيكون مليار و 30 سؤال. فهل أنت مستعد للإجابة عن الأسئلة الإلهية؟ Es-tu prêt à répondre aux questions divines le jour de la résurrection? ولهذا فيوم الحساب يكون طوله 50,000 سنة, raison pour laquelle le jour du jugement va durer approximativement 50,000 ans. الوقت عند الله مخالف للوقت عندنا, le temps auprès de Dieu est différent du temps pour chez nous. يقول الله عن اليوم عنده, Dieu dit à propos d'un jour auprès de lui, وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون, un jour pour ton Seigneur est comme 1000 ans de votre propre calcul. معنى نوح دعا قومه ألف إلا خمس ألف سنة إلا خمسين, Noé a fait l'appel à son peuple pendant 1000 ans à part 50, بمعنى يوم واحد, c'est-à-dire il a fait l'appel pendant un seul jour par rapport au jour divin. Isa, mund Isa alayhi salam ila al-yawm 2009, معنى يومين, depuis Jésus, prière et salut, jusqu'à nos jours, on dit il y a 2009, ça veut dire deux jours, il y a que deux jours entre nous et Jésus, prière et salut sur lui. Ma baynana wa bayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 1430 ou 1420, entre nous et Muhammad et la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1420, ma'na aqal min yawm wa nisf, ça veut dire moins d'une journée et demie entre nous et Muhammad, prière et salut sur lui. Fa amma yawm al-qiyama fa yatoul, yakoun 50,000 sana, mais le jour de la résurrection sera prolongé, il sera égal à 50,000 ans. الأسئلة كثيرة, les questions sont nombreuses, والبشر كثيرون, et les gens sont nombreux, des milliards de personnes, يوم الحساب طويل جدا, le jour du jugement est très long. لو أن بشرا عاش في الدنيا مئة سنة, dans le cas où une personne aura vécu dans ce bas monde un siècle, كان عمره في الدنيا بالنسبة ليوم القيامة, sa durée de vie un siècle dans cette vie terrestre par rapport à l'au-delà, أقل من ثلاث دقائق, ça va être moins que 3 minutes. إذا قدرنا يوم القيامة 50,000 سنة ب 24 ساعة. حياة إنسان عاش 100 سنة في الدنيا, un homme qui aura vécu un siècle dans cette vie ici-bas تساوي 3 دقائق يوم القيامة. Cette vie d'un siècle sera égale à 3 minutes du jour de la résurrection. لا شيء, ça veut dire rien. لهذا سيقول الكافر يوم القيامة, raison pour laquelle le mécréant va dire dans le jour de la résurrection, أنا بقيت في الدنيا أقل من ساعة. Moi je suis resté dans la vie ici-bas moins qu'une heure. أخي أختي frère sœur, إذا كانت حياتك الآن تمثل دقيقتين أو ثلاثة, dans le cas où maintenant ta vie représente 2 à 3 minutes, فقد هذه الدقائق في عبادة الله. Passe ces minutes, ces 2 ou 3 minutes dans l'adoration de Dieu, وفي عمل الخير, et dans l'accomplissement du bien. وفي الأخير أقول لإخوتي وأخواتي, à la fin je dis à mes frères et mes sœurs, اقضي فلنحاول أن نعمل كثيرا من الخيرات في هذه الأيام الستة الباقية. Qu'on essaie tous de faire le maximum de bien pendant ces 6 jours qui restent dans l'année 1430, يعني في السنة الباقية أو الباقية من أيام سنة 1430, ولنحاول أن نصوم اليوم الأخير منها. Et qu'on essaie tous, ceux qui peuvent, ceux qui ont la capacité, d'observer le jeûne dans le dernier jour de l'année 1430. نحاول أن نصوم آخر يوم من سنة 1430 للهجرة. وسيكون إن شاء الله يوم الخميس, qui coïncidera si Dieu le veut avec jeudi prochain, حتى تكون أعمالنا في آخر السنة, ainsi nos œuvres à la fin de l'année, تكون عبادة يحبها الله, notre œuvre à la fin de l'année sera une adoration aimée par Dieu. صيام, un jeûne, ربما غفر الله لنا بصيام يوم سيئات سنة كاملة. Il se peut que Dieu, grâce au jeûne d'un seul jour qui est le dernier de l'année, Dieu nous pardonne les péchés de l'année entière. فَإِنَّهُ يُجَازِي عَلَى الْقَلِيلِ بِالْكَثِيرِ, parce que lui, le généreux, il récompense le peu avec du nombreux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ونسأل الله التوفيق والإعانة. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعفاف والغنى في الدين والدنيا والآخرة. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم يا سيدي يا مولاي, إنها آخر جمعة في هذه السنة, إنه آخر جمع للمؤمنين بهذا النوع في هذا المسجد في هذه السنة. يا رب, في آخر جمعة نسألك برحمتك, بجودك, بمنك, بكرمك, بمغفرتك, برحمتك, أن تغفر لنا ذنوب جميع السنة. يا رب, تكرم علينا في هذا اليوم واغفر لنا ذنوب العمر. يا رب, تكرم علينا في هذا اليوم واغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا, فإنك أنت الغفور الرحيم. يا ربي, صل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.